Selon des médias sud-coréens, la direction de presse du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a lancé le 14 une déclaration pour insister sur la nécessité de mettre un terme à la politique servile aux grandes puissances et pro-américaines du pouvoir de Park Geun-hye et d'améliorer les relations intercoréennes.